Jeanne. Sylvain Poirier était journalier. De plus, il cultivait deux quartiers de terre en locataire, situés près de sa demeure, pauvre maison isolée, non loin de la lisière des grands bois de Mareuil, qui s'étendent à quelque distance de Beaugency, au-delà de la rive gauche de la Loire, en venant d'Orléans. Sylvain, après avoir payé la dette du sang à la France et servi 3 années en Afrique, revint au pays et épousa une jeune fille du village de Saint-Laurent-des-Eaux, nommée Jeanne Masson. Il en eut successivement 3 enfants. Elle était grosse du 4e. Le père de Sylvain vivait encore. Longtemps brûleur de charbon dans la forêt, où il passait des mois entiers, été comme hiver, dans une hutte de terre ou de branchages, les infirmités accablaient sa vieillesse. Perclus de douleur, il marchait difficilement et presque courbé en deux. Mais le courage et le bon vouloir ne lui manquaient point. Tant qu'il le pouvait, il concourait avec son fils et sa bru à la culture des deux quartiers de terre qui aidaient à vivre toute la famille. Sylvain, en bon fils, avait dit à son père, lorsqu'il le vit incapable de travailler, « Venez avec nous, vous m'avez donné le pain de mon enfance, je vous dois le pain de votre vieillesse. » Le père Poirier, lorsque la douleur ne paralysait pas ses bras, travaillait encore à l'état de sabotier. Il tâchait d'être le moins possible à la charge de son fils. Non qu'il doutât de ce bon cœur, mais Sylvain avait à nourrir son père, lui, sa femme et ses 3 enfants. Or, s'il gagnait bon an mal an le chômage défalqué, 240 à 250 francs, c'était beaucoup. Il lui fallait encore payer là-dessus la locature de ses 2 quartiers de terre. Mais il produisait un peu de seigle, des pommes de terre et des légumes. Sylvain avait en outre une vache à moison qui lui donnait son lait et l'engrais nécessaire à la fumure de sa terre. Note de bas de page. Une vache à moison. Dans nos pays, certains propriétaires confient à un paysan une vache laitière. Le paysan la nourrit, profite du lait, mais le veau appartient au propriétaire du bétail. Retour au texte. Les 2 aînés des enfants, Pierre âgé de 10 ans, Marie âgée de 13 ans, allaient ramasser du bois sec et couper de la bruyère pour le chauffage de la maison. Enfin, la famille vivait à peu près. Sylvain Poirier était un brave et honnête homme. De ceci, voilà 2 preuves connues de tout le pays. Un soir, à son retour des champs, ayant trouvé sur la grande route de Romorantin une sacoche bien garnie, perdue sans doute par un marchand de bestiaux du Berry, il la porta au maire de Saint-Laurent-des-Eaux pour que celui-ci fît tambouriner la perte de cette sacoche et qu'elle pût être réclamée par son propriétaire. Une autre fois, le feu prit dans une ferme du côté de Layy. Sylvain arriva un des premiers sur le lieu de l'incendie, arracha une vieille femme du milieu des flammes, et il eut les pieds si dangereusement brûlés qu'il dut rester au lit pour plus d'un mois sans pouvoir travailler. On le citait d'ailleurs comme un homme d'un caractère très doux, demeure paisible et rangé, sobre, intelligent et laborieux travailleur. Il n'allait point au cabaret par fierté. N'ayant pas d'argent à dépenser pour son plaisir, il ne voulait ni boire à crédit, ni se faire régaler par personne. Sylvain était républicain parce que son bon sens lui prouvait qu'en France, la République était le véritable gouvernement du peuple par le peuple. Il ne disait pas comme tant d'autres égoïstes ou pauvres aveuglés « Qu'est-ce que nous a donné la République ?» Sylvain savait que l'enfant au berceau a besoin de grandir, d'être paternellement protégé, instruit, développé, pour devenir un homme robuste. Et Sylvain disait « Protégeons l'enfance de la République. Elle nous donnera la paix, le repos, le pain de notre vieillesse lorsque nous aurons vécu dans le travail et l'honnêteté. La République, c'est le plus bel héritage que nous puissions léguer à nos fils. » Il aimait encore la République parce que c'était la loi de son pays et que cette loi, le peuple l'avait faite par l'organe de ses représentants, librement choisi et délégué par lui. Il était donc républicain au nom du bon sens, du droit et de la loi. Sylvain avait, comme on dit, tiré le bon lot à la loterie du mariage en épousant Jeanne Masson. Il eût difficilement rencontré une plus active ménagère, une femme d'un meilleur cœur, d'un caractère plus égal, plus ouvert et surtout plus gai. Aussi, lorsque ses enfants pleuraient, au lieu de les gronder ou de les battre, Jeanne les faisait rire au milieu de leurs larmes par une drôlerie. Elle faisait rire aussi son mari, et aussi le bon vieux grand-père, au risque de lui faire casser sa pipe entre ses dents, ce qui arrivait parfois. Alors, toute la maisonnée, petits et grands, de rire plus fort encore. Quant à la propreté sur elle, dans le ménage et dans les hardes de son mari, de ses enfants et du vieux père, Jeanne était incomparable. Si pauvrement vêtue que fût la famille, jamais on ne la voyait en haillons. Plus soucieuse du dessous que du dessus, Jeanne s'inquiétait peu des blouses rapiécées, pourvu que tout son monde eût du linge blanc le plus souvent possible, et pour ce faire elle ne s'épargnait point au blanchissage. Élevés par de tels parents, les enfants profitaient au mieux. Bons et laborieux comme leur père, aimants et gais comme leur mère, déjà les deux aînés, Pierre et Marie, travaillaient selon leurs forces. Dominique, le cadet, âgé de 3 ans et demi, était le benjamin de la maison, et surtout du vieux père Poirier qui avait façonné à son petit-fils une mignonne paire de sabots en fin bois de noyer. Car l'ancien brûleur de charbon parvenait à peu près à chausser toute la famille en sabotant à la veillée. Par une froide et pluvieuse soirée d'automne, vers la fin de novembre 1851, la famille de Sylvain était réunie autour du foyer après souper. Leur demeure se composait d'une grande chambre à cheminée où se trouvait le lit de Sylvain et de sa femme. Dans une petite pièce voisine était le lit du grand-père et ceux des enfants. On voyait dans la chambre principale un buffet garni de vaisselle, une armoire à linge, quelques chaises et une table, meubles reluisants de propreté. Au-dessus du vaste manteau de la cheminée était suspendu un fusil de chasse à 2 coups, car en sa qualité de bon tireur, on requérait souvent Sylvain pour les battues aux loups que l'on faisait durant l'hiver dans les bois de Mareuil. Le vieux père Poirier, qui ce soir-là ne souffrait point de ses douleurs, sabotait, assis sur un escabeau, à l'un des angles du foyer, en fumant sa pipe. Jeanne, belle et grande brune de 36 ans, aux yeux aussi noirs que ses dents étaient blanches, s'occupait de tailler et de coudre la layette de son 4e enfant, qu'elle devait dans 2 mois environ mettre au monde. Le petit Dominique, assis aux pieds de Jeanne, appuyait sa tête sur les genoux maternels. Marie, la fille aînée, tricotait, et Pierre, à l'aide d'une plane et d'un couteau, façonnait de son mieux un râteau à foin. Sylvain, à la lueur d'une petite lampe de cuivre à bec, lisait un journal à demi déchiré que lui prêtait amicalement un aubergiste de Saint-Laurent-des-Eaux. Ce journal était « La Constitution », feuille républicaine d'Orléans, rédigée avec autant de patriotisme que de talent et de courage, par mon excellent ami, M. Tavernier, aujourd'hui proscrit. Que dans l'exil, ce souvenir de l'exilé lui soit doux. À mesure que Sylvain poursuivait sa lecture, ses traits mâles et ouverts s'assombrissaient. Jeanne s'en aperçut la première et dit gaiement « Mais qu'est-ce que tu as donc, Sylvain? Tu as l'air tout triste. Tu ressembles au bedeau de la paroisse quand il voit qu'on a vidé la corbeille de pain béni, le père gourmand. Attends un peu, je vais te dérider. Regarde-moi donc en face. » Sylvain. « Chère femme, il paraît que ça va mal à Paris. » Jeanne, riant. « Bah, qu'est-ce que ça fait? Pourvu que ça aille bien chez nous, n'est-ce pas, bon vieux père ?» Le père Poirier, hochant la tête. « Savoir, ma fille, savoir. » Sylvain. « Vois-tu, Jeanne, si ça va mal à Paris, ça n'ira guère mieux ici. » Jeanne. « Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau ?» Sylvain, d'une voix grave. « On craint un coup d'État. » Jeanne, riant. « Quelle bête est-ce que c'est ça ?» Sylvain. « Une méchante bête, car elle fait couler le sang. » Jeanne, inquiète. « Qu'est-ce que tu dis là ?» Sylvain. « S'il y a un coup d'État, c'est la guerre civile à Paris et en France. » Jeanne. « Ah, mon Dieu, mon pauvre homme !» À ce moment, on frappe à la porte de la maison de Sylvain. Et presque aussitôt, entre un voiturier de Layé. Il a 25 ans environ. Il est complètement aviné. sa physionomie est presque hébétée. L'exaltation de son bonapartisme l'a fait surnommer dans le pays « Ratapoil » et le sobriquet lui en est resté. Ratapoil, ouvrant brusquement la porte et riant d'un rire niais. « Bonjour les voisins, vive l'empereur !» Sylvain, haussant les épaules. « Te voilà, bon sujet !» Ratapoil. « Oui, créneau d'un petit caporal, me voilà !»« Bonsoir, Pierre Poirier !»« Bonsoir, la mère Jeanne !» Il s'assied lourdement en trébuchant. Jeanne. « Vous voilà dans un bel état. Quel exemple pour ses enfants !» Elle se lève, prend dans ses bras le petit Dominique, qui s'est endormi sur ses genoux, et dit à Pierre et à Marie, qui se font des mines pour se moquer de Ratapoil, « Venez vous coucher, mes petits. » Pierre et Marie, embrassant tour à tour le père Poirier, puis Sylvain. « Bonsoir, grand-père. Bonsoir, papa. »« Bonsoir, Ratapoil. » Ils se sauvent en riant dans la pièce voisine, où Jeanne les suit. « Ratapoil. »« Oui, Ratapoil. » À 1 000 à 200 000 poils, et je m'en vante. Sylvain. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu nous veux? Ratapoil. Je viens te faire une commission de la part de Petit Jean. Sylvain. Quand l'as-tu donc vu ce brave garçon? Le père Poirier. Oh oui, c'est un brave et digne, notre ami Petit Jean. Ratapoil. Créons, j'y tremble. Il n'y a pas de quoi se rafraîchir ici. Au nom d'un petit chapeau. Sylvain. Si, je vais te donner de quoi te rafraîchir, car tu me parais fièrement échauffé. Il se lève, va prendre une cruche et verse un verre d'eau à Ratapoil. Ratapoil. De l'eau? Oh nom d'un aigle, de l'eau! Voilà comme tu rafraîchis les amis. Sylvain. Il ne nous reste qu'un peu de vin, et c'est pour le père. Ratapoil. De l'eau? Je n'en boirai pas quand ça serait pour boire à la santé de mon empereur. Le père Poirier. Dieu merci, ce règne-là est fini. Ratapoil. Oh, père Poirier, vous qui auriez l'âge d'être un vieux de la vieille, pouvez-vous parler comme ça? Le père Poirier. Oui, c'était beau pour les paysans, le temps de l'empereur. Comme tant d'autres, je les ai connus, pour mon malheur, ces mauvais jours-là. Tout le monde était pris par la conscription, mais c'est à peine s'il restait assez de bras pour cultiver la moitié des champs. Le reste demeurait en friche. Le pain valait 4 et 5 sous la livre. Ratapoil. Des mauvais jours? Créneau, mauvais jours. Où est-ce qu'il y avait nos aigles? La redingote grise, la gloire, la victoire. Créneau, les abeilles, le petit chapeau. Avec un hoquet. Et tout. Sylvain. C'était superbe et très cher pour les pauvres gens. « Mais voyons, dis-moi la commission dont t'as chargé, petit Jean. » Ratapoil. « Voilà, j'ai traversé ce soir Saint-Laurent-des-Eaux, où j'ai rencontré petit Jean. Il avait sa balle sur le dos et revenait du côté de la Ferté. Il est entré au cabaret pendant que je buvais bouteille et m'a dit « Si tu t'en retournes à Layy, tu passes devant la maison de Sylvain. Dis-lui qu'il ne s'en aille pas à sa journée demain matin avant de m'avoir vu. Je serai chez lui au petit jour. » Sylvain. Bien, je l'attendrai, merci. Ratapoil. Vois-tu ton farceur de petit Jean, c'est un rouge, comme toi. Sylvain. Pas si rouge que toi. Tu vous as une trogne. Ratapoil. C'est que j'ai bu à la santé de mon empereur, et qui a bu, boira. À propos, dis donc, il paraît que ça chauffe. Sylvain. Quoi? Ratapoil. Enfoncer la République. Sylvain. Ah bah, vraiment, et d'où sais-tu cela? Ratapoil. Je viens de porter des futailles chez Monsieur Noirot. Tu connais Monsieur Noirot, au château de la Plinière. Un vieux de la vieille. Quel grognard. Des moustaches d'un pied. Sylvain. Il était pharmacien. Mais c'est égal, continue. Ratapoil. Eh bien, il m'a dit enfoncer la République. Enfoncer l'Assemblée. Avant qu'il soit à peu, le président aura flanqué la pelle au dos des 25 francs par jour et il se fera empereur. Créneau, nos aigles, le petit chapeau. Enfoncer la République. Vive mon empereur. Sylvain, redevenu soucieux, échange un regard d'intelligence avec son père, qui, haussant les épaules, semble rassurer son fils. Jeanne, après avoir couché ses enfants, rentre dans la chambre et dit à Ratapoil : Faites-moi le plaisir de ne pas crier si fort, vous empêcheriez mes enfants de dormir. Ratapoil : Mère Jeanne, si je crie, c'est le cri de l'aigle pour son empereur adoré. Jeanne : Allez donc cuver votre vin dehors, vous ne savez pas ce que vous dites. Ma pauvre mère m'en a assez conté de tristes et vilaines choses sur le temps de l'empereur. Toutes les mères le maudissaient. Elle n'avait que trop raison. Il fallait racheter 3 et 4 fois de la conscription le dernier enfant qui vous restait. Je ne sais combien de paysans à leur aise, ayant de bonnes terres et de bonnes vignes au soleil, ont été ainsi réduits à la besace pour avoir acheté 2 ou 3 remplaçants à leur dernier fils afin de l'empêcher d'être, comme tant d'autres, de la chair à canon. Sans compter qu'il ne restait dans les villages que les borgnes, les bossus et les bancroches. Comme c'était régalant pour les filles à marier. Il y avait à la Ferté, me disait ma mère, le petit Godillot qui faisait le coq de village, le renchérit, parce qu'il n'était bossu que par devant. Ah, laissez-moi donc tranquille, l'Empire, c'était le beau temps des bossus. Sylvain : Ah, l'entendez-vous, mon père, il n'y a que Jeanne pour trouver cela. Ratapoil : Crénom, si l'on peut dire, mais l'Empire, mère Jeanne, c'était... Avec un hoquet, c'était... Sylvain : Et voyons, qu'est-ce que c'était ? Ratapoil : Crénom, mais c'était l'Empire, quoi. Enfin l'Empire, avec les vieux de la vieille, nos victoires, nos aigles, le petit caporal et tout le tremblement. Voilà. Et vive mon empereur. Nous allons l'avoir, nous l'aurons. Sylvain : Lequel ? Ratapoil : L'autre, l'ancien, ronde, le vieux de la vieille. Sylvain : Ah ça, l'ancien n'est donc pas mort ? Ratapoil : Pardi. Jeanne : Ah, voyez-vous ça, il vit encore ? Ratapoil : Il vit très bien, caché dans une île sauvage, où il attend que le président ait flanqué la botte au dos de la République. Alors il reviendra avec ses ailes, crénom, et son petit chapeau. Sylvain à son père : L'entendez-vous ? Il est saoul comme une grive en automne. Le père Poirier, riant : Ah ça, mon brave Ratapoil, et ces cendres que l'on a rapportées de Sainte-Hélène à Paris ? Ratapoil : Comment, père Poirier, vous, un homme d'âge, vous donnez dans ce godan-là ? Vous donnez dans les cendres ? Le père Poirier : Ce n'était donc pas ces cendres ? Ratapoil : Crénom, si ça ne fait pas suer. Mais non, c'était des fausses cendres. L'empereur a été enlevé de Sainte-Hélène par des nègres américains de l'île déserte où il se cache en attendant que son neveu et fait son lit aux Tuileries pour y venir y coucher, l'autre, avec ses aigles, ses abeilles, son petit chapeau, les vieux de la vieille et tout le tremblement. Jeanne, riant : Toute cette ménagerie-là dans le même lit ? Excusez du peu, il faut qu'il soit de taille. Déraisonnez, si vous voulez, mais ne criez pas si fort, vous allez réveiller mes enfants. Ratapoil, pouvant à peine se tenir sur ses jambes : Allons, mère Jeanne, on ne crie plus, on s'en va, il est tard. Père Poirier, bonsoir Sylvain. Je ne vous dis que ça. Enfoncez la République et vive mon empereur. Jeanne, le poussant dehors : Mais allez-vous-en donc, vous faites un sabbat d'enfer. Ratapoil sortant et manquant de tomber : Vive mon empereur, je le soutiens, je le soutiendrai à mort. Jeanne : Commencez donc par vous soutenir vous-même. Et fermant la porte à clef : Vilain raboteur, faut-il qu'il ait bu pour dire des bêtises pareilles ? Sylvain, tristement : Ah, mon père, malgré moi, je suis inquiet. Le père Poirier : Et pourquoi donc ? Sylvain : Ce monsieur Noirot, dont parle Ratapoil, est bien informé. Il a des amis à Paris. Tenez, mon père, il se trame quelque chose. Le journal a raison. Le père Poirier : Allons donc, mon garçon. Ratapoil est gris. Il ne sait pas ce qu'il dit. Jeanne : C'était une vraie comédie, et s'il n'avait pas crié d'une voix à éveiller nos enfants, je ne l'aurais pas mise à la porte. Et contrefaisant gaiement Ratapoil : Nom d'un petit chapeau ! Sylvain, pendant que son père et sa femme ont ainsi parlé, s'est levé en secouant la tête d'un regard pensif et est allé prendre le vieux fusil à 2 coups placé au-dessus de la cheminée. Puis il revient d'un air de plus en plus soucieux, tenant l'arme entre ses mains. et dit à Jeanne, non moins étonnée que le père Poirier. « Ma bonne femme, donne-moi un chiffon et une goutte d'huile. » « Jeanne, tu vas donc nettoyer ton fusil ?» « Sylvain, oui. » « Jeanne, et pour quoi faire ?» « Sylvain, j'en aurai peut-être besoin bientôt. » « Jeanne, de ton fusil ?» Sylvain, les larmes aux yeux. « Oui, ma pauvre femme, quoi que mon père en dise, j'en suis sûr, il se complote quelque chose. Et en tout cas, il faut se tenir prêt. » Jeanne, comprenant la pensée de son mari, pousse un cri d'effroi et se jette à son cou en pleurant. « Sylvain, mon bon Sylvain, tu veux aller te battre s'il y a du bruit à Paris ? Oh, père, père, vous l'entendez ?» Le père Poirier, cachant sa figure entre ses mains. « Je n'ai pas le courage de lui dire qu'il a tort. Il faut qu'il fasse son devoir, si un malheur arrive. » Jeanne, avec angoisse. « Oh, mon pauvre homme, mon pauvre homme !» Sylvain, d'une voix étouffée, serrant Jeanne contre sa poitrine. « Oh, ma femme, mes enfants, mon père, il n'y a pas à reculer. La République est le plus bel héritage que nous puissions laisser à nos fils. »